fête ou Angers City. C'est comment dans une caisse, une cave, un appart payé à crédit, peu importe ce qui nous intéresse, c'est la star de cette story. C'est peut-être toi, c'est peut-être lui qui tient le premier rôle ici. C'est l'heure de la périscrive conviée par des collègues de teuf. L'accueil est chaleureux, ça fait ça va mec, vas-y prends une tarte. Pas le temps de dire bonsoir, qu'ils veulent te mettre dans le colda. Toujours un mec qui dit comme ça, d'un air roublard. Allez fais-toi plaisir, allume ce bâton de dynamite. Mais gaffe, c'est une mèche courte, le genre qui pète à la gueule tout de suite. 10 minutes passent, tu gagnes une partie gratuite. La vie c'est crame ton shit avant que ce soit moi qui les frite. Ça se passe dans le sofa, tu renverses le coca. Faut aller chercher l'éponge. Mais quand tu te lèves une sensation étrange, c'est clair qu'à ce moment là tu te trouves un peu limite, signe avant-coureur d'une soirée sponsorisée par Squad du Brit. Fais-moi une place dans ton canapé. Où les femmes sont excites, assemblées de mâles, refaisant le monde autour d'un bloc de shit. C'est comme une réunion du perroir pour mec, ambiance colonie de vacances. Ça parle de foot et de fesses, des fois ça part en fou rire. On presse nada, il suffit qu'un convive pète pour que tout s'élève pétard. Quand l'ami bang est de la fête, sur sa part en douille. Un petit bibiche, ma biche. Et après ça, tu peux plus parler, ma couille. C'est Beeble Swing. Blouse des jambes en coton, dans ta tête, y'a eu une armée de pivers qui mettent le bon son. Deviennent rares comme l'eau potable en Afrique, chacun dans son trip. Comme un film de Chaplin version Frix, le silence se brise. La console est prise d'assaut pour la coupe interteuteux. Pas de dépistage à l'EPO, ils mettent tout dans le jogo. Tout s'habiller en jogging, addict. Du nerf qui rend bionique comme Steve Austin. Fais-moi une place dans ton canapé. Soirée sponsorisée par Scotch Brit, nombre lots à gagner, vie éclatée. Bouche pâteuse, feu d'artifice dans le cervelet, inertie, haleine de furée, neurones en freelance, sueur froide, à faire pallier Hitchcock en termes de suspense. Quand la Jack te met dans l'erreur, commence l'horreur. En pleine crise de parano, tu crois que tu vas décéder dans l'heure. Sachant plus vraiment si tu es mâle ou femelle pour que l'ascenseur redescende. T'en implore l'éternel. Ça commence toujours dans la bonne humeur et la gaieté. Ça finit souvent la bouche ouverte, scotché dans le canapé. Y'a toujours un gonf qui fait. Comment on suffonce des. Y'a toujours un cul de joint qui reste au bord du sablier. Don't get high, let's get freaky. Faudrait que je puisse me poser avant de me décomposer. Fais-moi une place dans ton canapé. Je peux me poser là, vas-y. Merci. Ça va, ça? Ah, je te jure, je suis carrément déchiré. Ah, jusqu'au trou de balle. Ah ouais, c'est loin. T'as des feuilles. Une soirée avec Manu et Rachid, toi. Oh là là, je te raconte pas comment t'es fraqué. Mohamed, il a dormi la lumière allumée dans le frigo. Elle tient pas des feuilles. Des chiens. Sinon, tu sais pas où je pourrais être aux choses qu'est là.